moi ça faut nettoyer. Mémoire moins pour tirer. Souvenir nous a dit. Nous t'écarie souvent. Nous a passé bon temps. Où tu pas plis longtemps. Nettoyer l'esprit moins, tout ça penser, tout ça pour moi abandonner.